Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth, qui est le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle. Parce qu'il a dit, après avoir souffert un peu de temps, il nous perfectionnera et il nous rendra inébranlables. Notre esprit a besoin de la sanctification, de la purification. Et pour obtenir cette purification, il faut passer par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, une fois de plus, pour notre 13e jour de prière, après la 12e qui a dénoncé l'existence d'un esprit au nom de Convenot qui passe par les cadenas, qui passe par les cimetières. Et vous savez que dans la tombe, on creuse. Pour faire une tombe, on doit creuser. Donc le corps reste en prison. On dépose le corps dans un creux. Et dans cette tombe, on ferme aussi comme le corps du Seigneur Jésus-Christ était. Dans ce trou dans le rocher, c'était en prison, le corps de Lazare, était en prison. Et les corps de chaque personne qui meurt dans cette vie, dans cette société, se retrouvent également en prison. Mais il sortira de la prison un jour, lorsque Jésus-Christ viendra, ou avant le jugement dernier, l'enlèvement s'effectuera avant le jugement dernier. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous attendons beaucoup plus l'enlèvement. Mais pour attendre l'enlèvement, il faut marcher dans la sanctification. Marcher de progrès en progrès, comme le dit déjà au reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Marchez à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ selon le premier verset du livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du premier verset. Donc il y a des préceptes. Avec ces préceptes, il faut préparer l'enlèvement. Et si vous ne préparez pas l'enlèvement, vous ne pouvez pas aller au ciel lorsque Jésus-Christ descendra. Alors le diable qui a empêché Adam et Ève de demeurer dans le jardin d'Éden, qui est notre ciel aujourd'hui, de demeurer dans le jardin d'Éden, il s'est préparé activement à les attaquer pour que Dieu les fasse sortir du jardin d'Éden. Et nous, les enfants de Dieu, le diable aussi se prépare, il nous attaque d'une manière ou d'une autre, d'abord les couples. Et c'est pourquoi le démon convenu décourage les uns et les autres à vivre ensemble, à vivre dans l'amour, et c'est cet esprit qui sera détaillé, les œuvres de cet esprit qui seront détaillées dans cette vidéo d'un moment à l'autre avant de se retrouver pour la prière. Cette vidéo, la prédication du Cameroun dans ce merveilleux temple que nous appelons le Temple des Nations, comme c'est lui qui se trouve également ici à Paris. Le Temple des Nations, ce n'est pas ça le ciel, mais le Temple des Nations vous enseigne qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer au ciel, pour être enlevé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui est dit au Temple des Nations Yaoundé, ce que nous allons visionner pour revenir. En ce qui concerne le Temple des Nations, ce dimanche est un dimanche tout à fait spécial, dimanche 28 janvier, un culte tout à fait spécial où nous allons détruire les œuvres du cadenas et aussi la démolition, les alliances que nous portons spirituellement sur les doigts, que nous avions reçues sur les autels de nos ancêtres, sur les pratiques de nos ancêtres, dans les coutumes, les traditions de nos ancêtres et aussi les envoûtements opérés dans nos vies par le canal des sorciers, que ce soit les rapports sexuels dans les rêves, que ce soit les pratiques d'envoûtement par les rapports sexuels physiques et aussi les pratiques d'envoûtement, ce qu'on appelle l'évocation des esprits ou les incantations ou les imprécations. Tout cela passe par cette alliance portée spirituellement sur le doigt. Et pour la deuxième fois, ce sera détruit ce dimanche, pour la deuxième fois, sans toutefois oublier ce qui va se passer à partir du 2, ce grand séminaire qui va se dérouler du 2 au 4 février 2018. Donc ce dimanche-ci, c'est très très important, il faut être absolument là pour être délivré. Alors nous écoutons le docteur Issumba sur cette vidéo, ce qu'il dit du démon dominateur qu'on appelle Convenot le vampire. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie d'Adam et Ève? Et qu'est-ce qu'il a fait aussi dans la vie de ton père, de ta mère? Qu'est-ce qu'il fera aussi dans ta propre vie lorsque tu seras marié, si tu n'es pas encore marié? Ou bien tu es déjà marié? Et qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Nous allons écouter. <t'-> seul, j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui. Dans ces moments d'épreuve, je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Vous pouvez vous être épris, vous arrivez, vous êtes en prison. Il y a une prison, soit un libérateur. Genèse chapitre 3. Genesis 3. La Bible dit au préalable. The Bible says beforehand. Au chapitre 1er verset 27. Chapter 1 verse 27. Que Dieu avait béni. That God blessed. L'homme qu'il a créé. The man he created. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, c'est it la bénédiction. Means that in God's plan was blessings. Ça m'étonne que beaucoup de personnes parlent de l'évangile de prospérité. I am surprised that many people are talking about the gospel of prosperity. L'évangile, c'est la prospérité. Effectively, the gospel is prosperity. Parce que Dieu, c'est la prospérité. Because God is prosperity. Dieu, c'est la santé. God is health. Dieu, c'est la richesse. God is riches. Dieu, c'est l'élévation. God is uplifting. Dieu, c'est l'honneur. God is honor. Pas l'humiliation. Not humiliation. Dieu, c'est tout ce qui est parfait. God is always perfect. Tout ce qu'il a créé était bon. All what he created was c'est good. Ça Dieu. That is God. Dans le livre donc, de Genèse chapitre 1 verset 27 que in nous the lisons, book of Genesis 1, 27, nous pouvons lire maintenant. Il est écrit Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. God created man at his image. Qu'est-ce que ça veut dire? What does this mean? Amen. Amen. Dieu est juste. God is just. Voilà l'image de Dieu. Dieu est saint. God is holy. Voilà l'image de Dieu. That is the image of God. Dieu est amour. God is love. Il y a la paix. There is peace. Voilà l'image de Dieu. That's the image of God. Tout ceci se trouve en Dieu. All this is found in il God. A créé l'homme. He created man. Dieu c'est la richesse. God is riches. Dieu c'est la prospérité. God is prosperity. C'est pourquoi depuis le jardin d'Éden. That's why since the garden of Eden. Ce Dieu this God, a créé des ressources minières. Created mineral resources. Des ressources végétales. Vegetal resources. Il va dire à Dieu à l'homme. Travail. He told man work. Le travail n'est pas un péché. Work is not a sin. Le travail n'est pas une abomination, so work une malédiction. Is not a curse or an abomination. Avant le péché, il a dit à l'homme. Before sin, he told man, tu dois travailler. You must work. Le travail n'est working pas aussi une charge. It's not also mais c'est a yoke, une sorte de sport. But it's a, some sort of sport. Dans le travail, nous sommes prospères. To work, we prosper. Travailler est une bénédiction. Working is a blessing. Le chômage est une malédiction. Joblessness is a curse. La paresse est une malédiction. Laziness is a curse. C'est le contraire de la prospérité. It's the opposite of prosperity. Et si Dieu and dit ceci, God says this. Nous lisons. We read. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. He created the male and female. Pas de séparation. No separation. Il a vu que he saw l'homme that était seul. Man was alone. Et il était malheureux. And was sorrowful. Il a donc créé l'homme so et la femme. Man and woman. Il pouvait créer l'homme et la sœur. He could have created a man and a sister. Et la mère. He could have created a man il a créé and a mother. Et sa femme. He created a man and ça, a wife. La première institution. This is the first institution. Le lien parental. The parental link. La première institution. Is not the first institution. La première institution. The c'est first le mariage. Institution is marriage. Amen. Amen. La première institution n'est the pas la relation institution entre les frères, sœurs. It's not the relationship between brothers, non, sisters, non, non, and others. Dieu no. créa l'homme. God created et la femme. Man and un woman. Entre. That's all. Final full stop. Amen. Amen. Ça c'est la première institution. That is the first institution. C'est pourquoi la Bible dit. That's why the Bible says. Cette institution doit être respectée. That institution should be respected by everybody. Que ce soit ceux qui se marient. By those who are respecter le mariage. They should respect the marriage. L'homme qui se marie doit respecter. The man who gets married should respect the institution. Et la femme qui se marie doit respecter l'institution. Should respect the institution. That is coming from God. Les gens qui sont à côté, people who are here, the father, respecter cette has to respect the institution. La fille, the mother of the girl or the man must respect the institution. Il y a un esprit, but there is a spirit qui ne respecte pas cette institution. That does not respect that institution. Et cet approché de cette institution, and he came near that institution to destroy the institution. Esprit, and that spirit, il ne s'est pas présenté en disant je suis le diable. He did not present himself as the devil. Il voulait décourager l'homme. He wanted to discourage him. Fidèle to be faithful à Dieu. To God. Il fait la même chose. He does the same à l'homme avec sa femme, the man towards à la femme avec son mari. To the woman towards the husband. The discouragement. Il pompe l'énergie. Est-ce que vous me suivez? Are you getting me? Si vous me suivez, you are getting me. Pour prouver que vous êtes éveillé, il faut offrir une offrande d'acclamation à l'éternel. Est-ce que vous me suivez? Are you getting me? Si vous êtes d'accord avec moi, asseyons-nous. If you agree with me, let's be seated. Il y a donc quelqu'un qui a méprisé cette institution. Someone who despised that institution. Pas un simple mépris. Il veut détruire. He wants to destroy. Parce qu'on parle des tactiques. So he passes through tactics. Nous allons découvrir tout à l'heure. That we'll discover very soon. Il doit pomper l'énergie. That has to drain energy. Il doit décourager. He has to discourage. Or, c'est la première institution. Meanwhile, it's the first institution. C'est pourquoi. That's why. Dans les familles aussi. In families too. Il attaque. He attacks. Tu vois les gens. You see people. Qui cherchent à détruire. Who are trying to destroy. Ils entrent dans le corps des gens. They enter in people's bodies. Ils entrent dans le corps d'une mère. They can possess a mother. Qui commence à attaquer le mariage de son fils. And start attacking her son commence marriage. À attaquer le mariage de son fils. A mother will start attacking her son's marriage. She will start insulting her. La belle fille. She will start despising the daughter-in-law. Contre la belle fille. She will start speaking evilly against the daughter-in-law. Elle commence à gérer. She will start controlling la vie de son fils. The life of her son. J'ai dit à gérer la vie I de son fils. I said controlling her son's life. C'est moi. She will say, I'm the one. Une robe à ta if femme, I'm buying a gown for your wife, you have to buy mine first. Hey! On parle de la première institution. We're talking about the first institution. Tu n'as pas dit. God did not say. C'est mettre au monde. It is to put into the world. Un fils ou une fille qui est la première institution. Or daughter, that's the first institution. La première institution. The first institution is marriage. Et il est écrit. And it's written. Tu as fait quoi? What did God do? Il a créé l'homme. He created the male and female. Et qu'est-ce qu'il a dit? And what did he say? Il le créa à l'image de Dieu. Dieu le bénit. Dieu les bénit. God bless them. Ah, avant de toucher la bénédiction, before touching the blessing, let's go and see the problem of that institution. Il les a bénis. God bless them. Qui peut m'expliquer ce petit mot dans un français facile? Who can explain this small word to me? Bénir. To be blessed. God bless them. Qui peut m'expliquer? Who can explain this? Il les a bénis. He blessed them. Comment une bénédiction se manifeste? How does a blessing manifest? Quelqu'un qui est béni. Someone who is blessed. Il est comblé. Comblé de quoi? He has everything he has. Hein? Des richesses. Jusque-là, vous n'avez pas trouvé. Hein? Au-dessus de tous. Jusque-là, vous n'êtes pas sur le chemin. You have not yet answered. Hein? quel type de grâce? La grâce d'être béni, il y a plusieurs types de grâce. There are many sorts of graces. Ils ont reçu la grâce de rencontrer la femme la plus merveilleuse. There are people who have received the grace to meet the most. Il y a aussi des gens qui ont la grâce d'avoir un diplôme et commencent à travailler dans une banque, dans la béacre, à la présence, dans une église, et to work maybe at the presidency in a church. That's a grace. There's someone that people have the grace. When he goes to the embassy for the first time, they give him a visa. He travels. He has his papers. He signs his card. It's also a grace. Vous ne pensez qu'aux choses de la terre. You're only thinking about earthly things. C'est ça votre problème. That's your problem. Quelqu'un qui est béni, quand blessed, tu parles de bénédiction, quelqu'un qui est béni, a une relation particulière avec Dieu. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. God, et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Adam avait une relation particulière avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Tu écoutais sa voix. Il dialoguait avec Dieu. Il était protégé par Dieu. Lorsqu'il avait des richesses, ça allait être possédé par Dieu. Ça s'appelle la bénédiction. Tu peux avoir tout l'or du monde. Tu peux avoir un bon mariage. Tu peux avoir tous les voitures du monde. Tu peux gagner tout le Cameroun. Tu es l'homme le plus riche du monde. Mais si tu n'as pas la faveur de Dieu, si tu n'as pas une relation avec Jésus, si tu n'écoutes pas ta prière, si tu n'es pas protégé par Dieu, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être protégé par Dieu? Il faut naître de nouveau. Adam n'avait pas besoin de la nouvelle essence. Parce qu'il avait eu une relation particulière avec Dieu, le péché n'existait pas. Sinon, il était un homme béni. Parce qu'il pouvait être écouté, il pouvait recevoir les conseils de Dieu directement. Il était un homme béni. Et tout ce qu'il avait était protégé. Personne ne pouvait détruire cela. Le ciel ne pouvait pas détruire. Quand tu peux avoir les richesses aujourd'hui, si tu n'as pas Jésus, si tu n'es pas sauvé, ces richesses seront détruites. Parce que tu n'as aucun système de protection. C'est pourquoi la Bible avertit, tu es riche, tu n'as besoin de rien. Il ajoute, tu es pauvre. But he acts, you're poor. L'homme le plus riche, mais tu es pauvre. The richest man, but you are poor. Parce que quand on parle de bénédiction, because when we talk about blessing, c'est d'un être humain. In the thought of a human being, c'est d'abord, first of all, voiture, cars, villa. Il est bien. House is his friend. C'est pourquoi de nos jours, that's why nowadays, quel serviteur de Dieu montre qu'il est bon? A servant of God to show you, notion, he has a notion, il est appelé, that he's called, voiture à gauche, he has a car, des gros cylindres, he has big cars, he has houses. Oui, ce n'est pas ça. That is not the case. Parce que tu dis, je suis riche. Parce que tu dis, je suis riche. Parce que tu sais, je suis enrichi. Je me suis enrichi. I have gotten rich. Et il ne s'adressait pas aux païens. He was talking to beggars. À une église. He was talking to à ceux qui sont nés de nouveau. He was talking to those who are born again. Mais Dieu ne les écoutait plus. But God was not hearing them anymore. Il se disait qu'ils sont riches. They were saying that ils étaient à l'église. They were in church. Ils étaient déjà séparés de Dieu. Separated from God. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. But because you don't know you are sorrowful. Si ta bénédiction est seulement matérielle, si tu es malheureux, tu es malheureux in the world. Misérable. Tu es misérable. You are miserable. Tu es pauvre. You are poor. Aveugle. You are blind. Tu ne fais, tu ne vois que les richesses. You are blind. Donc tu es aveugle. Means you are blind. Adam était béni. Adam was blessed. Sa femme était bénie. His wife was also blessed. Ce couple là, because that couple, avait une relation étroite avec Dieu. Relationship with God. Quand il priait, when they prayed, Dieu recevait la prière. God was receiving the prayers. God was protecting him. La richesse venait de Dieu. Riches was coming from ne God. Ne venait pas de l'esprit. He was not coming from Satan. He was not coming ne from Satan. Ne venait pas de Satan. He was not coming from Satan. C'était pas de la chose détournée. It was not the money invested. C'était pas la corruption. It was not about corruption. Ils étaient bénis. So they were blessed. Il n'y avait pas de péché. There was no sin. C'est ça la bénédiction. This is a blessing. Quelqu'un qui a l'argent. Someone who has money. C'est pourquoi au Cameroun. That's why in Cameroon. On veut toujours voir qui est riche. They want to see who is rich. Mais on ne veut pas voir. But they don't want to see. D'où provient cette richesse? Where that money is coming from? Un bandit spirituel qui ne va même pas aller, qui ne croit pas que c'est le spirituel. Il ne sait pas ce que c'est que la nouvelle essence. He doesn't even know what new birth is all about. Il est riche partout, il est riche partout. But mais c'est un pauvre type. He is a poor man. Ça, c'est la pensée de Dieu. That's the thought of God. Arrêtez de réfléchir comme stop des païens. Stop thinking like pagans. Qui est béni, tous les croyants aujourd'hui ne pensent qu'au matériel. All believers, they only think about material. Et c'est ça la dernière tactique. And that's the last tactic convenu. Of convenu. Tournez tous vos yeux sur l'argent. To turn all your eyes on money. Tu as vu sa robe? Have you seen her gown? Tu as vu son costume? Have you seen his suit? Have you seen this? Tout have you seen that? Bon. All that is good. Mais cherche premièrement. But seek first of all for the kingdom of God and the righteousness of God. Tout ce que vous voulez vous and all what you have, pardon. You need, shall be added. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Dieu les a bénis. God blessed them. Mais il y avait quelqu'un qui était contre cette bénédiction. But there was someone who was against that blessing. Et comment ils vont perdre cette bénédiction? And how did they lose the blessing? C'est donc des rafales que Convenant avait lancé contre eux. It is the bombs that Convenant threw at them. La ruse. Training. La séduction. Seduction. Il pousse le couple à la rébellion. He pushed the couple to rebel contre Dieu. Against God. Diable ne s'est pas présenté en disant moi je the suis devil come and said I am the devil. Et pourtant c'était déjà béni. Meanwhile they were already blessed. Il a donc aiguisé la convoitise. So he brought convoitise. Ce qu'ils avaient n'était pas suffisant. What they had was not enough. Le diable viendra leur proposer the autre devil chose. Came and proposed something else. L'homme est un éternel insatisfait. Man is always unsatisfied. Il veut toujours avoir. He always il veut wants toujours to have monter. New things. He wants ça to climb. Ça ne lui suffit pas ce qu'il a. The what he has is not enough. Voilà l'onction de convenant. That's the anointing of convenant. La position ne te suffit pas. Your position is not dans enough. Ta vie professionnelle. In your professional life. Dans ton foyer. In your home. Ce que tu as là. What you have. Ne te suffit pas. It's not enough for you. La parole de Dieu dit. What the word of God says. Si nous avons la nourriture, le vêtement. If we have food and dresses. It is enough for us. On a toujours besoin de l'élévation. You always need uplifting. Plus d'argent. You need more money. Je veux 1 million quand tu as 1 million. I want 1 million. When 1 million, you want 2. Tu veux 100 000. You want 10. Tu veux 1 milliard. You want billions. Et convenant. And convenant. Pousse toujours. Pushes you always to be in need. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Until when you'll be destroyed. Nous lisons. Être béni, Dieu le dit, fécond. Soyez fécond. Be fertile. Dans un couple. So in a couple. Il y a donc ce qu'on appelle la fécondité spirituelle. It's what we call spiritual fertility. Multiplier. La fécondité spirituelle. Spiritual fertility. C'est de conduire les hommes à Christ. It is to lead souls to Christ. C'est pourquoi il a dit, allez annoncer la bonne nouvelle. That's why he said, go and announce the good news. Là, la tendance est inversée. Because the tendency was reversed. Il dit, soyez fécond. He said, be fertile. Remplissez la terre. Fill the earth. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui. The children of God of today. Doivent remplir le ciel et non la terre. They have to fill heaven and not the earth. Parce que tous ont péché. Because all have sinned. Ils sont privés de la gloire. And have fallen short of God's glory. Maintenant notre travail. Now our work. C'est de remplir le ciel. Is to fill heaven. Quitter l'enfer. We have to empty au hell. Au parfum il a dit. At first he said. Remplissez la terre. Fill the earth. Maintenant il but dit now, le contraire. Remplissez le ciel. Fill heaven. Parce que le ciel est vide. Heaven is c'est toi qui dois remplir le ciel. To fill en annonçant l'évangile. And now c'est la bonne nouvelle. La good news. Donc voici Christ est venu. Christ has come. Il peut vous sauver. He can save la prison d'Adam et Ève. The prison of Adam and Eve. Sortir de la prison. Out of the prison. Et c'est toi. And you're the one. Avec ton argent. With your money. Tu remplis le ciel. To fill heaven. Avec ta parole. With your own words. Tes témoignages. Your testimony. Qui l'ont vaincu. They overcome. Par le sang de l'agneau. Et par la parole et la témoignage. Donc tu remplis le ciel. To fill heaven. Tu quittes l'enfer. You have to empty the earth. Tu témoignes. Because your testimony. Tous les jours. Every day. Tu témoignes. You testify. Tu racontes. Ce que Christ a fait pour toi. Et les gens sont touchés. And people are touched. Dieu me dit. Après avoir entendu ce discours. Ils ont eu les cœurs vivants touchés. Ils ont dit à Pierre. And they told Peter. Les autres disciples. En fait que seront bons. Parce qu'ils étaient en prison. Because they were in prison. Pierre leur a annoncé la bonne nouvelle. The good news. Même si vous allez church. Vous allez au temple. You go to the temple. Vous êtes en prison. You are in prison. Vous priez. You pray. Vous êtes hébreu. You are Hebrew. Vous êtes en prison. But you are in prison. Il vous faut un libérateur. You need a qui va vous saisir les portes. Le séjour des morts. The world parce que vous êtes dans le séjour des morts. The world of the dead. Vous êtes dans le séjour des morts. The world of the dead. Vous venez vous envoyer à la mort. I sent into the il y a quelqu'un qui est venu. Who has been ouvrir cette porte. C'est une personne qui existe dans le monde. Il y a le salut en le temps. Quand il a su le ciel, aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous devions être sauvés. Allez avec lui. Il vous libère de l'enfer. Il vous libère du péché de la haine. Il vous libère de la prison originelle. Il vous libère de vos souffrances. Il vous libère des liens héréditaires. Il vous libère de toutes les malédictions. Et vous avez le pouvoir. Acceptez-le. Il a dit remplissez la terre. He said fill the earth. Et là la parole a changé. And now the word has changed. C'est la nouvelle alliance. In the new covenant. C'est plus la terre qui doit être remplie. No longer the earth has to be filled. La terre est déjà remplie. Because the earth la terre, c'est la prison. Le monde est la prison. Prison. Le système mondial c'est le système. The world system is the system. C'est pourquoi la Bible avertit. That's why the Bible warns. Dieu sur la prison. Power of the devil. The power of the devil. Accepter Jésus. You accept Jesus. Votre sauveur personnel. As a plus du monde. You are no longer dans le monde. Mais vous êtes plus dans le système du monde. Le système du monde. Vous appartenez au royaume. Le royaume de Dieu. The kingdom of God. Afin de venir de perdre un client. Le fruit que vous acceptez le Seigneur. Accept c'est pour votre cas une seule âme. Accepte le Seigneur. Il n'y a plus de joie ici. Il y a le vieux ciel. Le ciel se met à danser. Le ciel ne dansera pas. Parce que tu es marié. Le ciel ne dansera pas. Parce que tu as eu de l'argent. Le ciel ne dansera pas. Parce que tu as acheté de grosses voitures. Le ciel ne dansera pas. Parce que tu as 15 dollars. Parce que tu as des châteaux en Espagne. Mais si tu fais des âmes descendre le ciel. Si tu fais danser le ciel. C'est une âme qui tue l'enfer. Le ciel se met à danser. Et puis le ciel se met à danser. Mais les chrétiens ne font pas danser là. Don't make God to die. Il est tellement triste. That is so sad. Il est tellement triste. God is so sad. Convenez vous maintenir dans le silence. Maintain your silence. Il vous décourage. He discourages you. Il vous décourage. He discourages you. Vous écoutez les nouvelles comme les autres. You listen to the news as other people. On passe notre temps à bavarder. You spend your time talking. Par le système de covenant. Through the system of covenant. La médisance. Gossiping. Les querelles, les murmures. Grumbling. Murmuring. C'est pourquoi il dit, ce sont les gens qui murmurent. There are people who grumble. Qui se plaignent de leur sort. Complain about their fate. Ils passent le temps à murmurer. They spend their time grumbling. Et l'enfer ne fait que remplir. And hell is being filled. Lui-même est déjà en enfer. He himself is already in hell. Ça c'est le système de Satan. That is a satanic system. Et puis Dieu dit remplissez la terre. And then God said fill the earth. Nous aujourd'hui notre résidence n'est pas sur la terre. We today our home is not on earth. Nous avons une patrie. We have a country. We have our home. Ce qu'on appelle la nouvelle alliance. This is what we call the new covenant. Multipliez, remplissez la terre. Multipliez. Multiply. Remplissez la terre. Fill the earth. C'est pourquoi nous parlons de la croissance. That's what we're talking about. Revenez contre la croissance. Against growth. Vous allez voir une église. You are going to see a church. 100 personnes. 100 people. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. For 15 years. C'est covenant. It is covenant. C'est cimetière. It's a graveyard. Mais on va toujours trouver des raisons. But you always have excuses. C'est pas là. God is not a quantity, but it's a quality. C'est Covenant qui parle. But it's Covenant speaking. Le jour que le Saint-Esprit est descendu. The day the Holy Ghost came down. Pierre qui était un pêcheur. Peter was a fisher. A fisherman. Mais le jour-là, il a pêché 3000 poissons. He fished 3000 souls. J'ai fait de lui un pêcheur d'homme. Made of him a fisher of men. J'ai fait de toi un pêcheur d'homme. I'll make of you a fisher of men. Tu te convertis, tu deviens un pêcheur d'homme. You are converted, you become a fisher of men. Tu vas les enlever dans le lac du monde. You have to take them. You have to remove them from the lake of the world. Et dominer sur les poissons de la mer. Et dominer. And dominate. Sur les poissons de la mer, oui. Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Les poissons de la mer. Les animaux qui se meurent sur la terre. Vous voyez? Are you seeing? Aujourd'hui. Today. L'oiseau qu'on appelle le hibou. The bird we call the owl. Quand tu vois ça, tu dis c'est la sorcellerie, non? When you see it, it says witchcraft, isn't it? Mais Dieu a dit tu dois dominer. But God said you have to dominate. C'est toi qui domines le sorcier. You are the one to dominate over the sorcerer. Dominer sur les oiseaux. You have to dominate over the. C'est l'oiseau qu'il avait créé à l'époque. Is the bird he created at that time? Il y a d'autres oiseaux que Dieu n'a pas créé. But now we have other birds God did not create. Le système de convenu. The convenu system. Où les gens se transforment en oiseaux. Where people transform. Où les gens se transforment en insectes. Where people transform en cafards. Est-ce qu'il y a des cafards dans sa maison? C'est pas en faisant du python. It's not a python. Mais Dieu dit domine. But God says dominate. Les convenus. The convenu. Ne te permet pas de dominer. God permits you to dominate. Tu es donc dominé. You are instead dominated. Tu as des cafards de sorcellerie dans ta maison. You have the cockroaches of witchcraft in your house. Tu as des insectes de sorcellerie dans ta maison. You have insects of witchcraft in your house. Tu as des sorcières mystiques. You have mystical birds. Tu as ceux qui se transforment en serpents. Those who transform into serpents. Tu domines. God says dominate. C'est ce qu'il a créé. Upon all what he created. Après le serpent a commencé à dominer. After the snake started dominating. Et quand Jésus. And when Jesus. Quand Jésus. When Jesus. Ressuscite alors. When he was resurrected. Il donne la victoire. He gave us victory. Et l'apôtre Paul arrive. And apostle Paul came. Parlant par le canal du Saint-Esprit. Talking to the Holy Spirit. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair. You don't have to fight against flesh and blood. Mais contre les dominations. But against dominations. Dieu a dit. God said. Dominer. Dominate. Mais Satan. But Satan. Transforme cela. Transforms that. Il prend la puissance que toi tu avais. He takes the power you had. Il commence à te dominer. He starts dominating you. Il te détruit. He starts destroying you. Et quand Jésus arrive. And when Jesus comes. Je vous donne le pouvoir. I'm giving you the power. De marcher. To travel. Ça dit tu dois de nouveau dominer. You have to dominate. Jésus. With Jesus. C'est toi qui dois dominer. You are the one to dominate. Je te donne le pouvoir. I'm giving you the power. De marcher. To travel. Sur les serpents. Et sur les scorpions. Et rien ne pourra te nuire. Tu dois marcher. You must sur la sorcellerie. Tu dois marcher. You must sur le convenu. C'est pourquoi nous That's parlons why. Donc de we are talking about convenu. Un esprit qui pompe l'énergie. A spirit that drinks energy. Puisqu'il est dit, il te donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Since he said he gives his power to trample upon snakes. Alors on préfère aller chez le féticheur. So you prefer to go to the féticheur. Le féticheur, le diable, convenu. The devil, convenu. Pompe la foi. He drains your faith. Tu n'as plus la foi. You no longer have faith. Tu mets la foi sur le féticheur. You put your faith on the féticheur. Tu mets la foi sur les sacrifices. You put your faith on sacrifices. En faisant les sacrifices de moutons. By doing animal sacrifices. Les chèvres. Goat sacrifices. En faisant des sacrifices. By making sacrifices. Humains. Human sacrifices. Dit, donne-moi ton fils. They say, give me your son. Donne-moi ta fille. Give me your daughter. Donne-moi ton mari. Give me your husband. Marche nu. Walk naked. Comme ce qui se passe au Cameroun. Just like what is happening in Cameroun. Marche nu. Walk naked. Là, on marche, t'es déshabillé. Go to the market and undress. You have much money. Va manger les caca d'une femme. Go and eat the excrements of a woman. Va boire les excrements of a man. Go and drink the wine. And you do all that. Tu as besoin d'argent. Because you need money. Entre dans les cercles mystiques. Enter into secret society. Tu dois vendre ton âme. You have to sell your soul. Livrer les membres de ta famille. Sacrifice the members of your family. For you to have money. Tu domines. Instead of dominating. The devil is dominating you. Il a fait la même proposition au Seigneur. He did the same proposition to the Lord. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Il est écrit. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres. Vous voyez, ils sèment le même doute. You see, he sows the same doubt. Les mêmes tactiques avec Adam. With Eve. Il dit, si tu es. He says, if you alors, are. Tu n'es pas. It means he is not. Si tu es fils de Dieu. If you are the son of God. Ordonne. Order. Si tu es. If you are not believing in God, he does not believe in God. Meanwhile, he knows that he is truly God. La parole qui s'est faite chair. But since it's the word that chair a aussi les mêmes faiblesses. And that flesh has the same weakness. That's why aussi les mêmes faiblesses. Mais il n'a pas commis de péché. Weaknesses, but he did not commit any sin. Il avait les mêmes faiblesses. He had the same weaknesses. Il n'a pas commis de péché. But he's not commit any sin. Il a résisté aux tentations. He resisted the temptations of Satan. Oui. Jésus lui répondit, il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Human beings cannot live on bread alone. De what shall be? De bouillon de chèvre. De bouillon. De dolé. Dolé. Non. Non. Mais de la parole de Dieu. Mais nous travaillons 24 heures sur 24. Pour nourrir le corps. To feed the body. Tout ce que tu fais là, c'est pour nourrir le corps. All what you do is to feed your body. Construire la maison. To build a house. Une satisfaction charnelle. It is a carnal satisfaction. Manger bien. Eating well. Une satisfaction charnelle. It is a carnal satisfaction. Dressing well. Tu prends tellement soin du corps. You take very good care of your body. Mais l'homme est dans une sécheresse. But your soul is in drought. L'homme ne vivra pas que du pain. Man shall not only live on bread alone. Mais de toute parole. But on every word. L'homme ne vivra que du bongo chobi. It means man will not live only on bongo chobi. Ou bien du dolé. Or on dolé. Ou bien du makanjo. Or on makanjo. Des ignames. Oh, on yams. Ah, moi je mange bien. Oh, I eat well. Et chez moi il ne manque de rien. My house I lack nothing. Nous mangeons trois fois par jour. Three times a day. On le petit déjeuner. My children have their breakfast at 6 a.m. At 10 a.m. At 10 a.m. At 4 p.m. At noon. L'homme ne vivra pas que du pain. I shall only live on bread alone. Mais de toute parole qui sort. Mais de toute parole. But on every word. Qui sort. That comes out. De la bouche de. From God's mouth. Le diable transporte. Après tu vas dire au quartier, de quoi t'as son basset. Le diable le transporta. Le diable le transporta. The devil transported. Le diable lui il persévère. The devil persévère. Dans sa démarche il persévère. In his action he persévères. Persévère. Persévère. Il ne te laissera pas. He will never let you go. Il va te tenter à chaque seconde. He will tempt you all the time. Tu veux regarder à gauche. When you want to look left. Voilà une jeune fille qui passe avec you. That is a young girl that is passing with a miniskirt. Quand elle fait ça, toi aussi. When she does like that, you stop and you are looking. Tu veux regarder à droite? You want to look right? Il y a l'autre qui sort avec les. There is another one who comes with her breast outside. Dis moi, c'est un plateau, tu peux prendre. Say this is a tree, you can take it. Tu peux prendre. You can. Quand take tu it. Veux regarder? When you want to look. Hey! Hey! Encore un autre python. That is another python. Il persévère. He perseveres. Il le plaça sur le haut du temple et lui dit. Et lui dit. And he told him. Tu es fils de Dieu. Encore pour la deuxième fois. Si tu es fils de Dieu. If you are God's son. Jette-toi en bas. Jette-toi en bas. Throw yourself down. Il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Jesus il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il n'aura point le Seigneur ton Dieu. Jésus confirme qu'il est Dieu. Jesus confirmed his God. Jésus confirme qu'il est. Jesus confirmed il est écrit, God. Tu ne tenteras pas le Seigneur. Ça veut dire Jésus le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Il est Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Satan. Jésus ton Dieu. Satan que tu adores. Les biens que tu adores. Le corps. Les funérailles. Les cerveaux mystiques. C'est Satan. Jésus est Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est ce qu'il dit. Tu le reconnais qu'il and this is God. Vous voulez encore qu'elle pose. Which proof do you want again? Voilà ce que Satan a oublié. That is what Satan forgot. Convenant a oublié. Convenant forgot. Il voulait semer le doute. He wanted to sow doubt. Quand tu as convenant dans la vie, you have convenant in your life. Tu as toujours le doute. You are always même quand je pèse comme ça. Even when I preach like that. Il y a people who sont en train de douter. Il y a ceux qui regardent la télévision. Ils sont en train de douter. But they are vous êtes remplis de convenants. Venez ici pour votre délivrance. Si je suis revenu au Cameroun, c'est pour votre délivrance. Pour détruire les ailes de Sauveur. Pour anéantir le pouvoir. Rien à faire. Nothing to be done. Le diable le transporta encore sur une. Il persévère. Il persévère. L'enfant de Dieu ne persévère jamais. Il ne persévère pas. partout. I never persevered. I went to buy an account. They prayed for me. Comme je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Since I did not obtain what I wanted, c'est resté à la maison. I stayed in the house. Il me montra les choses de la terre. They want the things of the world. Il voulait la santé. He wanted health. Je vous pose une question. I'm asking a question. Lazarus, qui était mort, who died, ressuscité. He was resurrected. Après la résurrection, after resurrection, il est toujours resté éternellement sur terre. Did he stay eternally on earth? Répondez. Answer. Il n'est pas mort après. Did he not die afterwards? Lazare. Lazarus. Jean chapitre 11. John 11. Jésus ressuscite Lazare. Jesus resurrected Lazarus. Mais la Bible ne nous dit pas que Lazare. But the Bible doesn't say la mort après. That Lazarus died afterwards. He died afterwards. Tu peux même ressusciter les miracles. Resurrect, you can do miracles. La résurrection peut tomber sur toi. The miracles will not stop. Mais après, tu vas toujours mourir. But after that, you still die. C'est pourquoi Jésus dit. That's why Jesus said. Cherchez premièrement le royaume. For the kingdom. La justice de Dieu. The righteousness of God. Premièrement. Firstly. Parce que tu peux ressusciter 10 fois. Because you can resurrect. Mais un jour, Dieu dira. But one day, aujourd'hui, tu pars. Et si tu n'étais pas sauvé, and if you were not saved, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. You go to hell. Parce que tu étais tellement occupé. Because you were so preoccupied. Ta santé physique. By your physical health. Les choses de la terre. Les choses de la terre. The things of the world. That is called the know. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un mentir. Today you see someone lying. But he's a Christian. But he lies. Because of the worldly things. Tu vois quelqu'un faire des abominations. You see somebody commit abominations. Désobéissant. He is in disobedience. In rebellion. Mais à cause des choses de la terre. But because of the things of the world. Il lui montra tous les royaumes du monde. Il lui montra tous les royaumes du monde. He showed him all the kingdoms of the world. And their greatness. C'est ce que nous avons aujourd'hui. That's what we have today. La gloire. Greatness. Pour glory. Nous sommes nommés. For me to be appointed. Je suis pacte. I have to sign avec Satan. With Satan. Parce que je veux être commissaire. Because I want to be a commissioner. Directeur. I want to be a director. Ministre. I want to be a minister. Tu perds ton âme. You lose your soul. Tu entres dans les réseaux. You enter into networks. Dans les réseaux diaboliques. You enter into satanic networks. Devilish networks. Parce que tu veux la gloire. Because you want glory. Je veux mieux jouer au football. I want to play football very well. Avec Satan. You sign covenant with Parce Satan. Tu veux être une vedette. Because you want to be a gagner famous person. You want to enter the world. Where would that take you to? Voici Muhammad Ali qui est mort. That is Muhammad Ali was died. Hein? Le boxeur le plus célèbre de toute l'humanité. The most famous boxer. Mais il a fini sa vie. Il ne marchait plus debout. Voilà la fin d'une vie. La fin de la vie. C'est pourquoi la Bible dit. That's why the Bible says. Tout ce that every is like the wind et or the grass and all its glory. Est comme la fleur qui est sur l'herbe. It's like the flower on l'herbe the sèche. Et la fleur tombe. The flower falls. Quand l'herbe a séché. When the grass et la fleur tombe. And the flowers. Dès que tu meurs. As soon as you die. Ton corps est touché. As soon as la gloire est tombée. The glory of the world will crumble to the ground. It is a never cease. And the flame of God. But the word of God is eternal. Mais quand tu as envie, but when you are alive, parce que tu as envie de gloire, you have small glory. Tu as lu quelque part, tu commences à signer des autographes. You read somewhere, you start signing. Les gens courent derrière toi. People run behind you. Can you sign an autograph? Ça trompe également les serviteurs de Dieu de maintenant. That is what is deceiving servants of God today. Ça trompe les serviteurs de Dieu de maintenant. It deceives servants of God today. La gloire intéresse. Heavenly. C'est pourquoi Dieu a dit à Bénéhin, monsieur. Glory. C'est sous la terre qu'on te connaît. That's why God told Bénéhin, dans le monde entier, they know you. Bénéhin. The whole world, in the whole world, they know Bénéhin. Le Dieu lui dit, c'est sur la terre qu'on te connaît. God told him, it's only on earth they know you. Personne ne te connaît. But in heaven, no one knows you. Personne. No one. Quand Bénéhin arrive quelque part en Europe, when Bénéhin reaches les églises se sont remplies. Churches have filled. Ces gens-là vont chercher quoi? What are those people searching for? Les paroles prophétiques, pas Jésus. Prophetic words, not Jesus. Ils ne vont pas chercher le ciel. They are not going to seek for heaven. Ils vont chercher le bien, mais être terrestre. Seek for worldly people. Il fait des miracles. For what you partout il y a des miracles. Everywhere there are miracles today. Cet endroit est rempli. That place is full. Des païens, des serpents, des scorpions. Ils vont chercher la gloire. They are going to seek for Jésus. Not Jesus. convenu. Et voilà, après avoir suivi ce message très très poignant qui parle de convenants, convenants qui décourage les hommes et les femmes à chercher le royaume des cieux, comme la parole de Dieu le dit, ils cherchent plutôt les choses de la terre. C'était un message très très poignant et on revient là-dessus. Déjà, la Bible qui est la parole de Dieu nous prépare à un événement mondial qui va se dérouler sous peu de temps, parce que Dieu qui est souverain dit que personne ne connaît la date. Il s'agit de l'enlèvement. Alors convenons, faites tout et tout pour que les uns et les autres ne pensent pas du tout à l'enlèvement. Pourquoi ils ne doivent pas penser à l'enlèvement? Pour les empêcher d'entrer au ciel. Parce que si vous pensez à l'enlèvement, vous allez vous préparer effectivement à entrer au ciel lorsque Jésus-Christ viendra au son de la trompette. À la voix d'un archange, le Seigneur Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ces morts en Christ qui doivent ressusciter premièrement, c'est ceux qui ont persévéré. Comme il le dit, persévérer veut dire mettre la parole de Dieu en pratique. Alors, quelle parole de Dieu que tu dois mettre en pratique? Cette parole de Dieu que nous mettons en pratique, nous la lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens, à partir du chapitre 4 et le premier verset. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est enseigné? La Bible précise ce que Dieu veut. Là, nous sommes au verset 3 et 8, chapitre 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Alors ici, ce que Dieu veut, qu'est-ce que ça veut dire ce que Dieu veut pour les chrétiens en matière de bonne conduite sexuelle, bien sûr. Parce que ici, dans cette prédication, beaucoup de choses ont été dites. Convenons qui est entré dans le jardin d'Éden et qui a découragé Adam et Ève, le premier couple mondial, à rester fidèle à Dieu par rapport à la parole qui avait été dite. Et lorsque Dieu disait « ne mangez pas le fruit », et le diable qui est descendu ce jour-là, il les a amenés plutôt à manger le fruit. Donc il les a découragés dans le domaine de la loyauté. Ils ne pouvaient plus vivre dans la loyauté. Ils ont péché. Alors, la Bible précise également que Dieu a créé l'homme et la femme. Ils étaient mariés. Mais de nos jours, à cause de convenants, ce qui était dit dans la prédication, puisque nous sommes, les êtres humains sont des éternels insatisfaits, c'est-à-dire, tu as déjà ta femme, il faut que tu aies beaucoup de femmes. Tu as déjà ton mari, il faut que tu cours derrière d'autres maris, d'autres personnes, ce ne sont pas des maris, mais d'autres hommes, peut-être pour arrondir la fin du mois, comme on le dit, parce que le diable qui amène la convoitise dans les esprits des uns des autres, cet homme qui couche avec moi va me donner un peu d'argent parce que mon mari n'en a pas assez. Mais avant d'entrer dans les détails, Paul définit ce que Dieu veut dans le cadre du principe directeur global de la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est le processus qui consiste à être séparé du péché et mis à part pour la sainteté de Dieu. Cela est dit dans le livre de Psaumes, chapitre 4, à partir du verset 4. Et nous allons demander aussi à maman peut-être de chercher certains versets pour prouver que ce que nous disons est absolument vrai. D'abord, c'est Hébreux, chapitre 2, verset 11, très important. Vérifiez aussi dans vos Bibles, parce que tous ces versets n'ont pas été cités tout à l'heure dans la prédication. Mais Hébreux, chapitre 2, verset 11, et le chapitre 10 aussi, verset 10, surtout, Hébreux toujours, chapitre 10, verset 10, Et nous allons voir aussi 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, très très important. Nous avons aussi pris toujours des notes, même si nous ne lisons pas maintenant, mais nous allons lire certains versets. Philippiens chapitre 2 verset 12 à 13. Philippiens chapitre 2 verset 12 à 13. Dieu veut que les croyants se séparent de tout ce qui est mal, mais convenez, nous décourage à rester dans cette sanctification. Dieu veut que les croyants se séparent de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est impur. Et convenez, fait tout et tout pour nous amener à vivre dans les impuretés, à vivre charnellement, n'étant pas rempli du Saint-Esprit. Donc le processus de la sanctification est le résultat direct du salut, comme Paul l'explique aux Corinthiens. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est 1 Corinthiens 6, chapitre 6, verset 11. Et aussi, la mention donc de la sanctification par l'apôtre rappelle une requête qu'il vient d'adresser à Dieu pour les Thessaloniciens. Qu'il affermisse que Dieu, il prie en disant, que Dieu affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Mais ce que convenez faire, il ne veut pas que vous soyez dans la sainteté devant Dieu. Il vous pousse toujours à vivre dans des convoitises passionnées. Il aiguise la convoitise, il aiguise l'appétit sexuel, il aiguise l'appétit matériel, il aiguise l'appétit financier, il aiguise l'appétit professionnel, il aiguise l'appétit sentimental. Dans tous les domaines, il aiguise l'appétit, il veut, il ne voudrait pas que vous soyez réellement dans la sanctification. Compte tenu donc de la culture permissive de ce peuple, les Thessaloniques, Paul considère que le plus important pour les Thessaloniciens dans leur recherche de la sanctification, c'est qu'ils s'abstiennent de la débauche. Notre culture, comme en Europe, en Afrique, partout dans le monde entier, c'est la débauche qui est beaucoup plus ovationnée, qui est beaucoup plus acceptée, qui est beaucoup plus reconnue mondialement, comme toute personne qui a un peu d'argent doit avoir beaucoup de femmes. Toute femme qui est un peu belle doit avoir beaucoup de show, doit avoir beaucoup de, comment on les appelle, des personnes qui l'admirent, qui l'apprécient, qui la draguent. Et ça, c'est l'œuvre de convenu parce que il veut te décourager. Il ne voudrait pas que tu sois quelqu'un qui vit dans la sanctification. Il attaque les pensées. Convenu attaque les pensées. Puisque la Bible dit, il faut que vous vous absteniez de la débauche. Que vous vous absteniez de la débauche qui désigne l'abstinence complète. C'est-à-dire le fait de se garder complètement de toute pensée ou conduite qui viole les principes de la parole de Dieu. Et notre esprit, dans ce monde qui vit dans la perversion sexuelle, la télévision, que ce soit le système hollywoodien qui vient des États-Unis, là où on tourne les films, et ici également en Europe, tous les films sont absolument pollués. Le système de la perfection sexuelle gagne, où aujourd'hui les hommes préfèrent avoir des enfants, des rapports sexuels, même avec des bébés de 2 semaines, ce qu'on appelle en principe la pédophilie. Donc, ils pompent l'énergie pour que tu ne sois pas, que tu ne restes pas fidèle à un seul homme, fidèle à une seule femme, et même si tu restes fidèle à une seule femme ou à un seul homme, il faut que vous puissiez passer par les actes infâmes pour satisfaire vos désirs égoïstes. Par exemple, vous êtes légalement marié, mais vous avez des rapports sexuels, par exemple, les rapports buccaux, par la bouche. Avec la bouche, c'est aussi la débauche. Et pourtant, vous êtes légalement marié. Et ça, c'est convenu qui fait ça. Vous êtes légalement marié et tu touches d'une manière buccale le sexe de ta femme ou bien de ton mari. Et ça, c'est convenu qui est derrière. Toute activité sexuelle qui dévie de la relation monogame entre un mari et sa femme ou immorale, est immorale aux yeux de Dieu. Donc, toute personne qui entre, convenu, te pompe également l'énergie d'amour, de fidélité, de loyauté. De sorte que tu vas commencer aussi à sortir avec la petite sœur de ta femme, ou bien le frère, ou le cousin, ou l'oncle de ton mari. Donc il pompe l'énergie, l'engagement, où tu restes fidèle à ton mari, tu restes fidèle à ta femme, et ça passe aussi en esprit, parce qu'il viendra coucher avec toi par le canal des rêves. L'enseignement de Paul, inspiré par l'esprit sur le sujet de la pureté sexuelle, est tellement strict et exigeant qu'il s'étend au-delà de la simple débauche. Que la débauche, ni aucune impurité, ni la cupidité, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Vous pouvez lire ça dans le livre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Je reprends la lecture. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Mais convenez le sait. Il sait que c'est écrit. Il va faire tout et tout. Il va faire tout et tout pour polluer votre vie. Dans ces deux passages, le mot impurité rend le même mot, donne la même signification. S'étend au-delà des péchés sexuels. Au-delà des péchés sexuels. Donc, ça touche les péchés sexuels en esprit. Parce que toute pollution qui passe par l'esprit se concrétise aussi dans la nuit, c'est-à-dire par le canal des rêves. Par le canal des pensées. C'est pourquoi certaines personnes sont capables de déshabiller un homme ou une femme en pensée. Ça, c'est l'action de convenant. Si ça t'arrive, ça veut dire que tu es chrétien de nouveau. Et si Christ arrive, tu ne seras jamais enlevé. Regardez le chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dès le premier verset, l'homme de Dieu commence à parler de ça. Mais vers les fins, à partir du verset 17, 16 et 17, dans le même chapitre, il commence à parler de l'enlèvement. Vous voyez qu'il prépare l'enlèvement. En préparant l'enlèvement, il veut que nous soyons dédouanés de ces péchés, que nous soyons délivrés de ces péchés, que ce soit en pensée, en acte, en parole. Parce que si tu vis dans ces impuretés, qu'elles soient sexuelles, parce qu'il ne parle pas que du sexe dans ce chapitre. Si vous allez un peu plus loin, nous allons toucher. De l'autre côté, il parle de l'amour entre frères, en Christ, ou bien les frères biologiques, les sœurs et autres. Il parle de l'amour, surtout, du côté spirituel. Donc, c'est ce que chacun de vous sache, posséder son corps dans la sainteté. Nous sommes là au verset 4. Je voudrais demander à maman de lire le verset 4, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4 au verset 6. Il est écrit 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 4 au verset 6. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de faute et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit. Alors, étant donné qu'aujourd'hui, les chrétiens sont exposés à toutes sortes de scènes, de sons et de philosophies qui excitent leur chair déchue, parce que malgré la présence du Saint-Esprit sur nos corps, qui est le temple, le corps est le temple du Saint-Esprit, mais nous traversons des moments difficiles parce que nous vivons dans un monde où des scènes pornographiques, que ce soit à la télévision, les images, que ce soit à la rue où les jeunes filles marchent presque nues, et même les mamans marchent presque nues, les hommes marchent nus, les garçons marchent nus, avec des pantalons au niveau des fesses, avec des langages orduriers, il n'y a que sexe sur le langage, sur Internet c'est la même chose, on expose dans le sexe, on expose la nudité, et qui est derrière tout ça, c'est convenant, pour te dépouiller de la sainteté. Il veut te décourager. Il veut polluer la relation que tu dois avoir avec Christ en image, en pensée, en acte, en parole, il passe partout. Comme dans le passage de l'étude, ce besoin est tout aussi grand pour les Thessaloniciens de vivre dans la sanctification. La sanctification en esprit, la sanctification physique, en esprit aussi. Même pourquoi? Parce que Dieu savait que nous sommes, la prédication le disait tout à l'heure, nous vivons encore dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous devons absolument se comporter comme si ce monde n'existait pas pour nous. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans ce monde. La convoitise des yeux. Lorsque tu regardes une jeune fille, pourquoi le diable les habille de cette façon? Toutes les parties du corps sont exposées. Tout est exposé. Avec des pantalons qui moulent le corps, on dit souvent, oui, les habits, l'homme, la femme ne doit pas porter le pantalon. C'est pas le pantalon qui est quelque chose. Mais il y a des pantalons qui sont vraiment excitants. C'est-à-dire, lorsque la fille porte ça, ça expose toutes les parties de son corps. Et les hommes qui regardent cette fille se mettent à rêver. Et c'est ainsi que leur esprit est pollué. Donc, c'est pourquoi le diable est derrière tout ce qui est comme mode. Dans la prédication, il a été dit que les seins sont dehors, tout le corps est dehors. Parfois, ce sont des habits tellement transparents que l'on voit tout ce qui est à l'intérieur. Le croyant doit maîtriser en tout temps les désirs de sa chair, d'où l'exhortation de Paul aux Thessaloniciens, selon laquelle il faut que chacun d'eux sache maîtriser les appétits de son corps. Chacun d'eux a cette même responsabilité de maîtriser son corps. Maîtriser son corps. Pas seulement les croyants de Thessalonique, mais tous les croyants. Parce que convenant est dans le monde. Il va pousser les uns et les autres à se décourager. À vivre dans la convoitise sexuelle. C'est pourquoi les films pornographiques à la télévision, tu ne peux pas regarder un film du début jusqu'à la fin, sans toutefois voir des actes sexuels où on embrasse les femmes, où on couche avec les femmes, où on fait n'importe quoi. Et pourtant, parfois, c'est pas un film pornographique. Mais ils vont toujours mettre des actes infâmes là-dedans. Et c'est pourquoi nous devons faire très attention, puisque nous vivons dans un monde pollué. Et ce monde ne va pas nous permettre de continuer à vivre convenant. Qui est le patron de ce monde ne va pas nous permettre de continuer à vivre dans la sanctification. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ça c'est le verset 5 dans le même chapitre. Le deuxième principe que Paul donne aux Thessaloniciens, pour qu'ils sachent comment rester purs sexuellement et s'abstenir de la débauche. C'est leurs parents païens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire qui ne sont pas transformés par l'œuvre divine du salut. Ils connaissent Dieu intellectuellement. Ils connaissent Dieu dans la religion, mais ils n'ont jamais été transformés. C'est pourquoi, dans le message, j'ai commencé par la nouvelle naissance. Le message de la nouvelle naissance. Parce que vous ne pouvez pas vous abstenir de l'impudicité si vous n'êtes pas né de nouveau. Si déjà, dans les églises actuelles, il y a de tels péchés où Paul allait jusqu'à dire, on entend dire généralement qu'il y a de l'impudicité au milieu de vous, au point que l'un de vous sort avec la femme de son propre père. C'est dit dans les épîtres, 1 Corinthiens chapitre 5. Et l'atmosphère spirituelle n'a pas changé. C'est même pire encore. Pire encore, où on ne considère plus que le péché sexuel, que ce péché, c'est véritablement un péché dangereux. On ne le considère plus comme dangereux. On ne fait que chercher les miracles. Il dit, ce que personne qui ne connaissent pas Dieu, les chrétiens toutefois, ne peuvent plus vivre dans les mêmes habitudes coupables des impies. dans le contexte à l'étude, les païens, voici ce que l'apôtre a dit aux Galates. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5, à partir du verset 23. Nous allons commencer avec maman au verset 20 d'ailleurs. Galates chapitre 5, à partir du verset 20, jusqu'au verset 26. Le livre de Galates, chapitre 5. À partir du verset 20. Oui. Il est écrit: l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. On peut commencer au verset 19, c'est le verset 19 d'ailleurs. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne seront jamais enlevés, parce que le vrai chrétien attend l'enlèvement, ne seront jamais enlevés. C'est pourquoi il commence dans ce chapitre 4, avant de parler de l'enlèvement, il commence par donner un enseignement, des avertissements. Il le dit aussi dans le livre de Galates, que maman venait de lire. C'est un avertissement. Et il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point, donc tu ne seras jamais enlevé. Les chrétiens ne doivent pas s'abaisser au niveau du comportement sexuel des païens, pas seulement sexuel. Ce comportement des païens est inspiré uniquement par convenu, qui amène des passions irréfléchies. Des passions, ce que la Bible appelle des actes infâmes. Les actes infâmes ne s'arrêtent pas seulement dans le domaine sexuel. Parce que ici, dans le même chapitre, Galates chapitre 5, verset 19, il n'a pas touché que le sexuel. Nous allons reprendre un peu. Par la bouche de maman, il n'a pas parlé que du sexuel. Il a dit, les fruits de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité. L'impureté. L'idolâtrie. La magie. L'idolâtrie, c'est ce que vous aimez plus que Dieu. Vous pouvez... L'argent peut être une idole pour vous. C'est-à-dire, avec l'argent, vous allez rater le ciel parce que vous aimez beaucoup plus l'argent. Convenu va utiliser l'argent pour vous faire rater le ciel. Avec l'argent, il va braquer vos yeux sur les choses de la terre. Vous allez acheter le portable, il vous faut de l'argent. Les portables qui coûtent cher. Tu commences à détourner de l'argent, à voler l'argent. Ou bien à vendre ton corps, à vendre les êtres humains. Tes frères, tes sœurs, dans la magie. Tu entres dans les cercles mystiques pour être nommé. Nommé pour avoir beaucoup d'argent. Tu détournes de l'argent où tu travailles. C'est pas ton argent, mais c'est l'argent de l'entreprise. Ou bien... l'argent de du gouvernement, comme ce qui se passe effectivement en Afrique, tu détournes tout cet argent. Et tu rates le ciel à cause de ces détournements. Ou bien tu mènes une vie cachée à cause de l'argent. Tu caches à gauche, tu caches à droite, tu es marié avec ta femme. Mais tu caches ton argent, ta femme ne sait pas combien tu gagnes, les comptes bancaires que tu gères, que tu as ouverts partout, la femme ne sait pas, ou bien le mari ne sait pas. Or, le jour que tu fermes les yeux, ou bien il y a enlèvement, qu'est-ce qui se passe? Dieu sait que tu vis dans la dissimulation selon 1 Pierre chapitre 2. C'est toujours des avertissements. 1 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset, et le verset 2, le verset 3, nous rapporte cet enseignement venant du Seigneur. Là, il parle de la dissimulation. Donc, cacher les choses à quelqu'un qui vit avec toi, à ceux qui vivent avec toi. Les chrétiens vivent dans la dissimulation, ils viennent s'asseoir peut-être à l'église. Après, on va poser des mauvais actes au quartier. Il vient s'asseoir à l'église, il prie même, il a même le courage de prier. C'est de la dissimulation. Et l'homme qu'on appelle Ananias et Saphira ont dissimulé. C'est pourquoi Paul dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ils ont dissimulé, ils ont caché le montant qu'ils avaient vendu. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset, par la bouche de notre maman. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Le lait spirituel est pur. Afin que par lui vous croissiez. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Maintenant, dans la dissimulation, tu dois désirer le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ça va te corriger. Et quand elle te corrige, la parole te corrige, tu abandonnes dans le péché, tu vis dans la dissimulation. Tu ne dois pas continuer, tu ne dois pas continuer. Parce que cet argent, tu vas l'abandonner. Dissimulation, peut-être, tu sors avec une fille, mais ta femme ne le sait pas. Tu sors avec un homme, ton mari ne le sait pas. Mais tu viens rire, rigoler avec elle. Tu viens rigoler avec lui, avec ta femme. C'est de la dissimulation. Et tu sors avec quelqu'un à un côté. Tu entretiens des relations avec des gens au téléphone, sur Facebook. C'est de la dissimulation. Tu caches le téléphone parce que tu ne veux pas que certaines choses soient dévoilées là-dedans. Ce que tu traites avec les gens, c'est de la dissimulation. Comme Facebook, là, un lien terrible que convenu utilise les réseaux sociaux pour détruire les foyers, pour détruire la vie des croyants. Avec Facebook, avec les réseaux sociaux, je ne sais pas. Jésus-Christ a dit un jour, quand il viendra pour enlever l'église, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est impossible que le croyant qui pratique, qui entre dans les réseaux sociaux, pas pour, tu peux entrer dans les réseaux sociaux pour envoyer les messages d'évangélisation. Mais c'est pour causer avec les gens. Ou bien tu entretiens des relations avec les gens. Une jeune fille entretient des relations avec les gens au téléphone, des messages sexuels, des paroles de flatterie, de convoitise, de séduction. Les saints, tu es chrétienne, tu te présentes sur Facebook, tu exposes les cuisses, tu exposes les saints, et pourtant tu es chrétienne née de nouveau. Mais sur Facebook, il faut voir ton habillement sur Facebook. Mais tu es chrétienne née de nouveau. Mais qui fait ça, c'est convenu. Ça, c'est la débauche. C'est la débauche. Et pourtant, tu es chrétienne née de nouveau. Tu es chrétienne née de nouveau. Mais comment? La Bible précise qui est la parole de Dieu, que Dieu tire vengeance sur toutes ces choses. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Le verset 7, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Le fait que les chrétiens doivent s'efforcer d'être purs sexuellement et entièrement conformes au plan général de Dieu pour leur vie. Par conséquent, une deuxième raison que Paul donne pour s'abstenir de la débauche. Sur Facebook, il y a une telle débauche des chrétiens. J'ai vu beaucoup de femmes soi-disant prêcher, mais les saints sont dehors. Mais elle dit qu'elle prêche. Mais les saints sont dehors. Elle va s'asseoir. Les cuisses, toutes les cuisses sont dehors. Elle prêche même devant les gens. On voit ses sous-vêtements. Elle porte les robes transparentes. Mais on voit les sous-vêtements. Ce qu'elle a en bas, on voit. Mais elle dit qu'elle prêche. Tu prêches quoi? Tu dis quoi à qui? Tu dis quoi à qui? Paul est déterminé à présenter l'église de Thessalonique et l'église de partout comme une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Alors, demandez à maman de chercher ce verset aussi. Mis à part et purifié pour Dieu. La débauche est donc tout à fait incompatible avec l'appel présent et ultime de Dieu pour les croyants. Paul est décidé et tout homme de Dieu doit marcher dans cette décision à présenter l'Église comme une épouse sans tache. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais sainte et irrépréhensible. Dans ta façon de s'habiller, irrépréhensible. Dans ta façon de se comporter à l'Église. Aujourd'hui, frères et sœurs couchent ensemble sans problème. Parce que tous ceux qui sont à l'Église sont d'abord frères. Avant d'être père, mère spirituelle, nous sommes d'abord frères et sœurs. Si pasteur et brebis couchent ensemble, si femme de pasteur ou bien brebis entre elles couchent ensemble, mais dites-moi, l'Église qui est le trône de la vérité, le monde est entré dans l'Église. Mais quel genre d'enlèvement vous attendez? Être enlevé pour aller en enfer, oui. C'est pas pour aller au ciel. Or, selon la parole de Dieu, la dernière raison pour laquelle les Thessaloniciens doivent obéir à l'exhortation de Paul, c'est que leur désobéissance signifierait, de leur part, le rejet du Saint-Esprit de Dieu. Alors, si tu rejettes cet enseignement, parce que de nos jours, nous recherchons beaucoup plus les choses de la terre, le miracle, l'argent. Au point où les jeunes filles dans les églises vendent leur corps aux païens d'or, couchent avec les païens pour avoir de l'argent. Les gens se prostituent, j'ai vu en Afrique du Sud, et même ici en Europe, on vend la drogue dans les églises. Le pasteur le sait, et la Bible est le mot de passe. Lorsque quelqu'un te dit, passe-moi ta Bible, ça veut dire que, envoie-moi quelque chose. Tu mets la Bible, pardon, tu mets la drogue dans la Bible, et quand tu lui remets la Bible, il retire la drogue, il met l'argent à la place de la drogue. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes de nos jours vivent donc dans cette débauche. J'ai dit, vivent donc dans cette débauche. Là, nous parlons de la drogue. Où est la sanctification? Nous parlons de la drogue. Ça, c'est important, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Voyons comment convenir spirituellement va empêcher beaucoup de personnes à ne pas entrer au ciel. En passant par tout ce qui a été dit. Nous devons faire tout et tout. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Ça c'est le verset 8 dans le même chapitre. Hein. Le verset 8 dans le même chapitre. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 8. C'est lui qui rejette ses préceptes, cet enseignement. Ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Et après il ajoute, pour ce qui concerne l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Le christianisme est une foi éprouvée, une foi vivante et pratique qui opère dans la vie normale de tous les jours, touchant tous les domaines de la vie du croyant. Des attitudes les plus simples et aussi des actions les plus banales, aux pensées les plus profondes et aussi aux œuvres les plus nobles. Tout ceci, c'est pour annoncer l'Évangile. Parce que vous ne pouvez pas annoncer l'Évangile sans passer par là. Notre comportement annonce l'Évangile. Nous annonçons l'Évangile par la parole et nous annonçons aussi l'Évangile par notre comportement. C'est pourquoi l'apôtre Pierre disait aux femmes converties que lorsque ton mari va t'observer, par ton comportement qui a changé. Parce que tu bavardais auparavant, tu l'insultais auparavant, tu n'étais pas soumise auparavant. Et lui, qui ne croit pas encore au Seigneur Jésus, tu vas prêcher l'évangile à ton mari par le canal de ton comportement. Il y a beaucoup de personnes qui accusent leur mari et qui accusent leur femme, mais eux-mêmes, leur comportement ne change pas. Tu ne peux pas accuser ton mari si ton comportement n'a pas changé. Tu peux accuser ta femme si ton comportement aussi n'a pas changé. C'est inadmissible. Ta femme verra la puissance de Dieu sur toi lorsque ton comportement avec elle va changer. Ton mari verra la puissance de Dieu sur toi lorsque ton comportement envers lui va changer. Mais qu'est-ce qui entraîne parfois la débauche dans les couples? Parfois, tu peux commencer à dire, ma femme. Voilà, tu as l'argent, tu ne donnes pas à ta femme. Tu exposes cette femme à vivre comment? Dans la convoitise. N'oublions pas que nous vivons dans la chair. Encore, elle a besoin des habits. C'est normal. La Bible nous dit déjà, si nous avons les habits, c'est-à-dire si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais alors, si elle n'a pas de nourriture, si tu ne nourris pas cette femme, elle va convoiter. Lorsque il y aura toujours des odeurs au quartier, ça arrive. Lorsqu'on fait une bonne cuisine à côté, il y a des odeurs qui vont envahir l'environnement. Et ceux qui vivent dans cet environnement seront poussés à convoiter la cuisine voisine. Alors, elle va vivre dans une convoitise. Mais c'est poussé par le mari qui ne parvient pas à ravitailler sa propre maison. Il mange dehors dans les restaurants. Mais à la maison, on ne mange pas du tout. Mais lorsque la femme va continuer, c'est toi qui exposes cette femme, qui pousse cette femme à aller coucher avec les hommes pour avoir un peu d'argent. Comme elle ne peut pas résister, elle manque ne serait-ce que ce désir qui n'est pas coupable. Le désir de manger n'est pas un désir coupable, monsieur. N'est pas un désir, madame, coupable. Mais ce sont les excès de table que Dieu appelle des désirs coupables. Mais lorsque tu as faim et que tu manges normalement comme un homme normal, alors ce n'est pas un désir coupable. Alors il faut produire de l'argent en travaillant. Si tu ne travailles pas, tu exposes ta femme à aller coucher avec les hommes pour avoir de l'argent. C'est ça le problème. Parce que nous passons le temps à accuser, à dire que oui, il est charnel, ou elle est charnelle, ou il est ceci, ou cela. Mais il faut aussi voir ce que tu fais à l'intérieur du couple. C'est pourquoi vous, pasteurs, lorsque les gens viennent vous consulter, n'écoutez pas seulement un seul côté. La femme viendra te dire, oui, mon mari sort tout le temps avec les femmes. Mais pose des questions à cette femme. Est-ce que tu satisfais ton mari? C'est la première question que toi, tu dois d'abord poser. Avant de commencer à dire, je vais prier, ton mari sera délivré ici. Mais délivre cette femme d'abord du rejet des rapports sexuels envers son mari. Puisqu'elle le rejette. Alors le mari là-bas, si ce mari est païen, qui considère que le sexe est important pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas croiser les bras en disant, oui, comme ma femme a fait ça, moi je... Non. Il ira directement dehors. Et comme dehors, on sait parfois les accueillir, il va oublier cette bandite spirituelle à la maison. Et puis il partira avec une autre. Après, tu vas commencer à parler en langue ou bien à prophétiser. Ça ne marchera pas. Elle-même est coupable parce que la Bible dit ton corps ne t'appartient pas. 1 Corinthiens chapitre 7. Ce sont les premiers versets. Ce sont des enseignements que Paul donne. Pour préparer l'enlèvement, il faut également que tu reviennes là-dessus. Toi-même. Le corps de l'homme n'appartient pas à l'homme. Le corps de la femme n'appartient pas à la femme. Alors, ça appartient à qui? Ça appartient à l'autre. Ça dit que c'est toi qui dois satisfaire le mari, c'est le mari qui doit te satisfaire. Si ce n'est pas fait, l'un de vous ira en enfer. Parce que tu pousses l'autre à devenir quoi? Prostitué. Puisque tu le prives d'un bien fondé. Et puis tu passes le temps à se plaindre. Il a faim, le mari a faim, mais tu sers ton mari dans ce qu'on appelle dans mon village quoi, des cuvettes de bouillie. On vendait la bouillie auparavant, quand moi j'étais payé, le petit, avec les haricots. Les haricots, la bouillie 10 francs, des petits gobelets. Et quand nous, maman, donnait des conseils à nos sœurs, moi j'étais là aussi étant petit, maman disait, il faut jamais servir ton mari dans des gobelets où on sert la bouillie. Non, c'est-à-dire, il faut bien nourrir. Il dit, l'homme, c'est le ventre. Il dit à la fille, l'homme, c'est le ventre. Alors, il faut bien nourrir ton mari. Parce qu'elle savait que s'il y a une autre femme dehors qui nourrit ton mari, il va t'oublier. Toi, tu le sers avec dans les gobelets. Tu mets un peu de sauce, un demi-morceau de poisson, quelques morceaux de banane ou bien quelque chose comme ça. Ce que nous mangeons en Afrique généralement. Ici en Europe, pourquoi les mariages, ça ne dure pas? C'est l'homme même qui s'en occupe, qui fait ceci, qui fait cela. Ça ne peut pas durer. Parce que Dieu n'a pas fait ça. Dans la Bible, il est dit, la femme doit s'occuper des travaux domestiques. Ça ne veut pas dire qu'elle est esclave de l'homme. Mais ce qui est dit ici est clair. La femme doit s'occuper du ventre de son mari. Mais à quoi bon d'avoir une femme si c'est toi-même qui es dans la cuisine tous les jours? Si c'est toi-même qui dois penser, à quoi bon d'avoir une femme de ce mari? C'est pourquoi en Europe, le mariage, là, c'est tout en fait. Ça ne vaut absolument, ça n'a même pas d'importance. Ça ne dure pas. J'ai lu dans un journal, 2 mariages sur 3 finissent par le divorce en Europe. 2 mariages sur 3 finissent maintenant par le divorce en Europe. Et qui est derrière ça? Convenons. Le vampire. Voilà ce que je peux vous dire pour ce qui est de l'amour fraternel. Vous n'avez pas besoin. L'amour fraternel commence dans le foyer. Avant d'aimer les frères dehors, commence par aimer ton mari. Avant d'aimer les sœurs dehors, commence par aimer ton épouse à la maison. Avant de prendre soin dehors, aux frères, aux sœurs, moi, Dieu m'a dit cela en Hongrie, le jour que j'avais rendu l'âme. Et avant de poser un acte, avant de prier sur les gens dehors, commence par prier pour ton épouse. Avant de s'occuper des brebis, commence par s'occuper de ton épouse, monsieur Tchala. Voici pour ce que moi, je te reproche. Voici pourquoi je dois t'envoyer en enfer. Voici pourquoi tu ne dois pas entrer. Voici ce que tu fais. Il m'avait parlé, l'Éternel que je sers, il m'a parlé de ça longuement. Et dans chaque domaine, il insistait. Relation avec mon père spirituel, il a insisté. Relation avec le pardon que je devais demander au serviteur de Dieu, il a insisté. Relation avec ma femme, il a insisté. Et aussi dans la gestion de mon propre corps, de mes propres péchés, il a insisté. Dis-tu, c'est pourquoi je t'envoie en enfer? Pourquoi tu ne peux pas entrer? Voici ce que tu as fait. Mon frère, ma sœur, il ne va pas te dire, voici ce qu'on t'a fait. Il dit, voici ce que tu as fait. Là où toi, tu n'as pas mis la parole en pratique. Il ne m'a pas dit, voici, quand tu t'es créé, ta femme avait raison, ou bien c'est toi qui as raison. Non, Dieu ne juge pas ainsi. Quand Dieu te parle, il ne tient pas compte de ce qu'on t'a fait. C'est pourquoi il dit, la Bible, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand il te parle de ce que toi tu n'as pas pu faire. Lorsque tu avais un problème contre tel, voici ce que toi tu n'as pas fait. Au sujet de ta femme, voici ce que toi tu ne faisais pas. Il ne te parle pas de ta femme, il sait que ta femme fait des trucs qui ne lui plaisent pas aussi. Mais il ne te dit pas, il ne touche même pas. Mais tu vas entendre quelqu'un dire, Dieu m'a révélé que tu fais ça. Pourquoi il ne te révèle pas ce que toi-même tu fais? Il te révèle seulement ce que ton mari fait. Il te révèle seulement ce que la femme fait. Il te révèle seulement ce que les frères font. Qu'il te révèle d'abord ce que toi tu fais. Ou ce que toi tu ne fais pas envers les frères dans l'église. Ce que toi tu ne fais pas envers le pasteur. Voici ce que Dieu m'a montré sur notre pasteur. Pourquoi Dieu ne te montre pas aussi ce que tu ne fais pas envers ton pasteur? Tu as des obligations envers ton pasteur. Mais convenez, te pousse à dire, Dieu m'a montré ceci envers mon pasteur. Dieu m'a montré ceci envers mon église. Mais Dieu, ce Dieu-là, ne te montre pas ce que toi tu ne fais pas envers ton église. Il te montre seulement ce que ton église, écoutez, le mensonge amène en enfer. Tu prends tes pensées comme la pensée de Dieu, comme si c'était la parole de Dieu. Ça, c'est le mensonge. Dieu m'a dit. On entend ça généralement. Dieu ne parle pas ici. Quand Dieu veut te parler, il te parle de toi-même. Il ne te parle pas par rapport à autrui. Il ne te parle pas par rapport à l'église. Parce qu'il dit, je cherche un homme. Dans l'assemblée, il cherche un homme qui peut prier pour toute l'église. Pas un homme qu'il va enlever à l'église pour dire, oui, Dieu m'a dit de partir ou bien pour aller créer mon assemblée. Tu es menteur, tu iras en enfer avec ton mensonge. Dieu ne parle pas ici. Dieu m'a montré ceci dans l'église que moi je dois quitter. Et ce sont des mensonges. Quand on lit la parole de Dieu, Dieu ne parle pas ainsi. Tout ce monde iront où en enfer, ne seront jamais enlevés. Ils prennent leur propre pensée comme si c'était la pensée de Dieu. Leur propre mensonge, leur propre hypocrisie. Dieu te parle par rapport à toi. Le jour que j'avais rendu l'âme en Hongrie, il m'a parlé par rapport aux serviteurs de Dieu. Il ne m'a jamais montré ce que les serviteurs de Dieu m'ont fait. Est-ce qu'ils ne font, ils ne font pas? Jusqu'à présent, je peux te citer 1000 serviteurs de Dieu qui ont posé des actes très ignobles contre moi. Mais Dieu ne m'a jamais dit que voici tel a fait ça, tel a fait ça. Il me dit, voici ce que toi tu as fait. Dieu ne te dira jamais, voici ce que ta femme fait. Et si ta femme se comporte ainsi, c'est parce que toi, tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. C'est parce que convenu est dans ta vie. C'est pourquoi ta femme ou bien ton mari se comporte de cette façon. Ou tu as des hôtels dans la famille, où convenu se manifeste pour te détruire. Ne passe pas le temps à accuser. Convenu est là pour te pousser à accuser les autres. Et ne pas tourner les yeux spirituels sur toi-même. Examinons-nous si nous sommes dans le Seigneur, si nous sommes encore dans la foi, dit la parole de Dieu. Si nous sommes encore dans la foi, dit la parole de Dieu. Voilà ce que je peux vous dire. Notre prochaine rencontre, ça sera la vidéo numéro 14. Celle-ci est numéro 13 à propos des prières. Parce que les gens cherchent beaucoup de prières pour aller ou pas pour aller au ciel. Seulement pour avoir le bien matériel, pour vivre bien sur cette terre, pour avoir le mari, parce que il fait froid maintenant, il ne veut pas dormir seul, le plaisir sexuel, parce que je ne veux pas aller en enfer pour aller commettre l'adultère, mais je veux un mari qui va me satisfaire, une femme qui va me satisfaire. C'est pas ça le problème. Oui, il faut être satisfait, sexuellement, mais notre but, c'est d'aller au ciel. Savoir s'abstenir. Même si tu n'es pas satisfait, il n'y aura pas de rapport sexuel au ciel. Même si ta femme ne satisfait pas, ce n'est pas ça qui va te pousser à aller chercher les femmes. Même si ton mari ne satisfait pas. Moi, j'ai rencontré une femme qui vivait, qui était, comment on appelle, le mari était impuissant. Elle me dit, papa, je dois divorcer. Je dis, non, si tu divorces, tu iras en enfer. Tu divorces, tu iras en enfer. C'est pas parce que le mari est impuissant que tu dois divorcer. Si tu divorces, tu iras en enfer. Tu dois prier. Est-ce que tu crois que Dieu peut délivrer ton mari? Parce qu'il a un problème et toi, tu l'abandonnes dans le problème. Donc, tu l'as épousé parce qu'il était vraiment viril. Maintenant, il a un problème et tu l'abandonnes pour dire que tu dois quitter le mari. Tu iras en enfer si tu le fais. Au lieu de mettre tes genoux à terre, quel est le problème que Dieu ne peut pas résoudre? Dieu résout tous les problèmes. Dieu est guéri. Quand le mari est malade, tu l'abandonnes. Mais quand il était en santé, tu étais là. Quand la femme est en santé, tu es là. Tu l'aimes beaucoup parce qu'elle est belle. Elle est ronde. Elle est belle. Elle est brune. Elle est ceci. Maintenant, elle est malade. Elle a perdu sa beauté, l'éclat de son teint. Elle a perdu le poids, elle est malade, ou bien elle sent même mauvaise, et maintenant tu l'abandonnes parce qu'elle est malade. Tu iras où? En enfer. Et tout ça, c'est convenu qui fait, qui provoque tous ces problèmes. Et si vous vivez ça dans le foyer, venez nous trouver ce dimanche au Temple des Nations, à Paris, sur cette adresse 47 avenue du Général de Lannes, au 95 330 à partir de 9h. Et il y a de grandes prières, des délivrances. Les alliances du doigt, des cadenas seront détruits. Dimanche passé, c'était grave. C'est dimanche encore, ça sera encore très grave contre les démons, contre les esprits impurs. Donc vous devez bouger. Vous devez donc quitter vos maisons. Que convenu ne vous décourage pas. Soyez avec nous ce dimanche au Cameroun pour ceux qui sont à Yaoundé, en Ventupicane pour ceux qui sont à Douala. Il y a déjà le Temple des Nations à Douala pour ceux qui sont également au niveau de la France. Mais sans oublier le grand séminaire qui commence le 2, le 3, le 4. Un séminaire très important. Ça commence vendredi le 2 et dimanche, pardon, samedi le 3 à 17h samedi, vendredi à 18h et dimanche à 9h. Très important. Dieu va se manifester d'une manière très particulière. Partagez cette vidéo. En même temps, il faudrait s'abonner. Envoyez cette vidéo à tous vos amis, chrétiens ou pas chrétiens. Le message était très important. Les exhortations aussi très importantes. Que la grâce de notre Dieu. Puisqu'il dit, pour ce qui concerne l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Alors l'amour fraternel veut dire tu vois quelqu'un qui est en danger, ton frère est en danger parce qu'il doit aller en enfer. Tu l'envoies aussi la vidéo. Tes amis sont en danger parce qu'ils doivent aller en enfer. Tu envoies la vidéo. Il y a des gens qui viennent seulement mettre j'aime sur Facebook parce que nous mettons ça sur notre page Le Temple des Nations et sur ma page Martin Isomba et Facebook aussi. Et il y a des gens qui viennent tout simplement mettre j'aime mais ne peuvent jamais partager. J'aime ne veut pas dire que tu as partagé. Non, il faut partager. D'autres ne regardent même pas. Il est chrétien, mais il ne clique même pas pour regarder, pour que la vidéo s'ouvre, pour qu'il regarde. Il met seulement j'aime. Mais tu iras en enfer. Tu prépares l'enlèvement comment? C'est comme ça que tu prépares l'enlèvement? Tu prends ton téléphone, dis à tes frères, allez sur Temple des Nations, YouTube, Temple des Nations. Allez regarder les vidéos d'enseignement. On ne regarde que les vidéos des blasphémateurs. Les gens qui viennent insulter les serviteurs de Dieu, qui viennent mentir sur les serviteurs, qui font des faux montages pour dire tel pasteur a fait ça. Tchalisomba fait ça, Tchalisomba fait ça. C'est ce genre de vidéos qu'on venait tourner tes yeux. Qu'on venait tourner tes yeux sur ce genre de vidéos parce qu'il ne veut pas que tu ailles au ciel. Voilà, que Dieu te bénisse et que sa grâce continue à se manifester d'une manière particulière au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen.